s'entretuer. Alors qu'aimer c'est simple, on trouve le temps de détruire la terre, accentuer l'effet de serre. On trouve le temps d'être malsain, d'être assassin, c'est dans les gènes si on est si mauvais. Il serait peut-être temps d'innover, si on pouvait réduire les normes. On pouvait faire en sorte que le bien ait sa place, mais l'écart est trop énorme. A ton avis, pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as le sentiment profond d'être seul? L'impression que le paradis est à l'heure. Comprends qu'on est con sursis, engagé pour un temps de vie éphémère. Le purgatoire est ici, la fin de l'histoire est ainsi. L'apocalypse est dans la Bible, mais rends-toi compte qu'on est en train de la vivre. Triste, du matin au soir hormis, quand l'alcool coule dans mes veines et grâce à lui j'ai bien dormi. Triste, parce que j'ai peur de faillir, parce que je veux pas trahir mon père et que Dieu je ne fais que le haïr. Triste, parce que le mal m'a mis sur sa liste, parce que les hommes ont suivi sa piste, parce que sans raison on prie le Christ, parce qu'on prépare l'apocalypse. Triste, le mal nous a mis sur sa liste, parce que les hommes ont suivi sa piste, parce que sans raison on prie le Christ. Donc on est tous pareils, donc on est tous tarés. Tous arrêtent tout, parents, couilles, parents d'un monde sans soleil. Les nuits sans sommeil, trop longues, le cœur meurtri, sombre, étayé des thèses et des tailles. L'esprit qui ne tourne pas rond, tous pareils, donc on est tous tarés. Tous arrêtent tout, parents, couilles, parents d'un monde sans soleil. On pas les entièpes, le peuple est sans terre. Essayez d'être à l'aise, c'est trop pas les centailles. Je serai pas centenaire, on s'enterre, nos vies sont sinues. On erre dans des sentiers tellement sinueux qu'on voit bien ce que le mal insinue. L'avenir est stressant, c'est sûr. Au présent, conjugue ta life, imagine ta mort ou bien celle de ta wife. On trouve le temps d'être stupide, je suis peut-être cupide, mais au fond je connais l'homme et sa nature, c'est devenu limpide. On laisse le temps faire apparaître des rides, puis on se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait de bien sur terre? Qu'est-ce que j'ai fait de bien sur terre? Qu'est-ce que j'ai fait de bien sur terre? Qu'est-ce que j'ai fait de bien sur terre? Qu'est-ce que j'ai fait de bien sur terre? Triste, parce que le mal m'a mis sur sa liste, parce que les hommes ont suivi sa piste, parce que sans raison on prie le Christ, parce qu'on prépare l'apocalypse. Le mal nous a mis sur sa liste, parce que les hommes ont suivi sa piste, parce que sans raison on prie le Christ. J'ai le sentiment qu'on éprouve le plaisir de gâcher nos vies. J'ai pas la science infuse, mais je suis pas non plus novice. Il serait temps de se souder, de resserrer nos vis. Miserere nobis. Et nous inonde, donc je suis triste parce qu'en moi il a un cerf et une sonde. Triste parce que trop des miens en larmes fondent. Je suis triste parce que le bien sur sa base s'effondre. Donc je suis triste, triste, triste, triste. Je suis triste parce que le mal m'a mis sur sa liste, parce que les hommes ont suivi sa piste, parce que sans raison on prie le Christ, parce qu'on prépare l'apocalypse. Triste, le mal nous a mis sur sa liste, parce que les hommes ont suivi sa piste, parce que sans raison on prie le Christ. Triste, parce que le mal m'a mis sur sa liste, parce que les hommes ont suivi sa piste, parce que sans raison on prie le Christ, parce qu'on prépare l'apocalypse. Triste, le mal nous a mis sur sa liste, parce que les hommes ont